Chapitre 4. Audierne et la pointe du rat. Méchante carriole. Les coussins sont durs, les ressorts brisés, la capote déchirée et laissant voir la filasse, le tablier tout humide. La bête n'est pas meilleure. Par surcroît, la pluie nous prend en route, bruine pénétrante et épaisse qui abrège le jour d'une heure. Personne sur la route. À Plonéis, nous croisons un convoi. La bière, à peine couverte d'un drap, est placée sur une charrette que traîne une paire de bœufs. Derrière suivent des vieillards qui hâtent le pas et de vieilles femmes récitant leur chapelet. Nous saluons à travers la brume le clocher de Ploiré. Nous côtoyons celui de confort que précède un élégant calvaire reposant sur un édifice triangulaire dont chaque côté porte trois statuettes. La pluie fouette. La bise siffle. Il faut ne donner qu'un coup d'œil à la belle église de Pont-Croix. Tel a été le 25 septembre, notre voyage de Quimper à Audierne, où la voiture nous dépose, à 7h30 du soir, mouillés et transis, devant l'auberge de M. Batifoulier. Cette auberge est, à Audierne, seule de son espèce, et l'hospitalité y est d'ailleurs excellente. Auvergnat de naissance, jadis ouvrier du port, aubergiste aujourd'hui, M. Batifoulier est un homme court, bien renflé sur les hanches, la figure ronde, les lèvres lipues, l'œil grave et tranquille, toujours calme, maître de soi, souriant rarement et comme un homme qui s'entend, au besoin même se sauvant par un sourire de toutes les occasions de rompre le silence. Voilà notre hôte. Ses traits et sa tournure rappellent certaines races de l'Océanie dont on voit les échantillons en cire au musée de la Marine à Paris ou dans le musée chinois de La Haye. Le lendemain, le soleil se leva avec le jour et nous montra sous nos fenêtres une belle nappe d'eau, comblant le bassin à fleurs de quai, tandis qu'en descendant vers la jetée, autour de la baie comme à l'horizon, les vagues s'élevaient, blanchissaient, roulaient sur elles-mêmes et venait déferler à nos pieds avec un bruit épouvantable. Qu'un peu de vent d'ouest vint à souffler, et la pointe du rat allait donner grand spectacle. À tout hasard, nous partons à 10h dans une berline, et avec une rosse de la même famille que celle de la veille. Nous traversons et laissons derrière nous, à droite et à gauche, Esquibien, Saint-Hugo, Primelin et Plogoff. La plaine est aride. L'ajon même rabougri et chétif. Voici cependant des fermes, des vaches, voici des femmes, des enfants, des fillettes de bonne mine. De loin en loin, soit par-dessus les falaises, soit dans les anses, quand la plaine s'affaisse et se creuse, la mer apparaît sur la gauche, les vagues hautes et tonnantes. Les amas de goémons se multiplient autour de marais et de bassins naturels, puis les pierres et les galets. La végétation devient de plus en plus rare. Salut à Notre-Dame du Bon Voyage. C'est une petite chapelle placée sous une invocation fort opportune en ces parages. Enfin, nous dépassons le phare et les sémaphores où stationne une troupe d'enfants en guenille, cicérone y aussi empressé qu'inutile. Nous ne rechercherons pas, s'il vous plaît, les restes invisibles de la ville d'Is, submergée à une époque antéhistorique. Nous négligerons les légendes druidiques sur la baie des Trépassés ou sur l'île de Saint. Oublions Véléda, les poètes, l'histoire elle-même. Il suffit du spectacle qu'on a sous les yeux. C'est la pointe d'abord, dite du rat, c'est-à-dire du détroit, à cause du passage de mer qui la sépare de l'île de Saint, passage resserré, traversé par des courants rapides et hérissés de rochers. La pointe est un amas de blocs granitites ou schisteux, rongés par le vent et les flots, et garnis de maigres lichens. Elle s'avance dans la mer et y tombe presque d'aplomb, précédée d'une série d'îlots que la mer découvre à marée basse et qui vont en droite ligne à l'île de Saint, le plus gros grain de ce chapelet. Elle semble toute proche, quoiqu'à 2 lieues de terre. À l'aide d'une longue vue, on y aperçoit des fermes, un clocher, et sur les pointes de roc des goélands perchés comme en observation. Elle renferme, dit-on, 600 habitants, isolés sur l'océan et qui restent parfois des mois entiers sans communication avec la terre ferme. La baie se dessine en un demi-cercle immense, brisé à chaque pas par de profondes anfractuosités où la mer se plonge et rugit. Au centre, la baie des Trépassés étale ses sables relativement calmes, enfermés et dominés par les falaises. Tout le long de la baie, on suit un petit sentier en terre de bruyère noire et glissante. Au-dessus, des têtes de rochers émergent du sol et semblent le peupler comme un petit Carnac, tandis qu'à ses pieds et tombant à pic, s'élargissant, se resserrant, s'enfouissant sous terre ou faisant saillie contre les flots, les rochers en subissent l'effort, blanchissent sous l'écume et semblent chanceler dans leur base. Ces bruits éclatants ou sourds, soudains ou prolongés, proches ou lointains, se mêlent, se doublent, se répercutent au sein de mille cavernes et se confondent en une basse continue. L'oreille subit comme un vertige de son. Elle écoute, écoute encore, et voudrait écouter davantage. On s'assied, on se lève, on s'arrête. Il semble qu'on ne veuille laisser échapper aucune note de ces puissants instruments. C'est ainsi qu'on revient à l'anfractuosité la plus proche de la pointe et la plus terrible. On raconte que, il y a quelques années, un homme y arriva un matin, renvoya la voiture qu'il avait amenée et, tout en flânant sur la falaise, « Où faut-il que je me jette ?» demanda-t-il comme par manière de plaisanterie au gamin qui l'entourait. « Là, » répondirent-ils, et il montrait le trou d'enfer. Il se précipita en effet, et l'on n'a jamais retrouvé ni son cadavre, ni rien qui lui ait appartenu. Ce trou d'enfer, pour l'appeler par son nom, n'a par la base que 5 ou 6 pieds de large, deux montants de roches toutes noires, lisses et droites comme un fourreau, s'élèvent en s'évasant jusqu'au niveau de la falaise. Par devant, une roche dont la forme rappelle, mais dans des proportions colossales, les sphinx égyptiens assis sur leurs énormes pattes de granit semblent défendre l'entrée et divisent le flot. La mer s'y brise en écume et, repoussée en arrière par le choc, elle rebrousse dans un couloir qui s'ouvre à gauche et qui débouche vers l'entrée. Elle rencontre alors de nouveaux flots qui poussent en avant, gagnent le dessous du rocher, courent dans des voûtes étroites et, tout en grondant sous nos pieds, vont ressortir de l'autre côté de la pointe. Mais que sont tous ces détails à côté de l'aspect que présente cet assaut général de vagues amoncelées sur toute l'étendue de cet hémicycle de roches qui retombe sans cesse pour se relever et s'élancer plus haut? Il manquait à notre excursion d'avoir fait le tour du cap du côté de la mer. L'entreprise n'est pas sans difficulté et les personnes prudentes doivent s'en dispenser. Sans parler de la hauteur du cap au-dessus de la mer, 70 mètres, dit-on, et des bruissements qui montent d'en bas et qui pourraient vous étourdir. Il n'existe qu'un sentier, interrompu 100 fois et seulement frayé par les moutons qui broutent sur ces rochers. On saute, on coule, on se glisse, les mains et les pieds presque toujours appuyés à ces énormes pierres, quand on peut les saisir ou s'y tenir. On rencontre des surfaces toutes rondes qui n'offrent pas de prise, des coins d'herbe ou de terre sur lesquels le pied ne peut se poser qu'avec hésitation, des roches qui surplombent et sous lesquelles on ne se hasarde à passer qu'en regardant si elles ne vont pas se détacher et tomber. Par endroits, un couloir abrité dans lequel il faut se comprimer le ventre et abattre la crinoline, si jamais crinoline. Pour revenir, le meilleur chemin est pire que le précédent. On en sort pourtant, on en revient avec le pied plus sûr, le pied marin. Il y a quelques mois, entre l'île de Sein et le Cap, un bateau pêcheur se perdit. 2 hommes parvinrent à se réfugier sur un îlot voisin. Une barque partit du phare et saisit le moment favorable pour recueillir à son bord les 2 marins. 5 minutes plus tard, la vague recouvrait le rocher. Voilà les commentaires qu'on entend derrière soi, tandis qu'on hésite à sauter ou qu'on saisit une touffe d'herbe qui va vous manquer dans la main. Mais quoi, le danger attire et le vertige qu'il donne est un de ses plaisirs. En retournant à Audierne, notre pauvre Rossinante nous laissa presque en chemin. Enfin, à grand renfort de patience, de pause et de coups de fouet, nous redescendîmes la côte. C'était l'heure du dîner. La table était nombreuse et bien servie. M. Batifoulier présidait en personne. Il avait, pour la circonstance, jeté son chapeau de feutre sur une chaise et endossé par-dessus sa chemise un gilet de coton à manches bleues. Il s'assit. Abonnés et voyageurs arrivèrent, et bientôt fut placée devant lui une large soupière où le pain avait englouti le bouillon. M. Batifoulier, une assiette dans une main et la cuillère à potage dans l'autre, s'adressant à une dame placée en face de lui, « Madame !» La dame est distraite. Moment de silence. D'une voix plus douce et qui s'enhardit, « Madame, vous offrirai-je un peu de potage ?» Signe d'assentiment. À une demoiselle tout auprès de la dame, « Mademoiselle, un peu de potage ?» Mademoiselle se pinçant les lèvres, « Oui, monsieur. » Monsieur Batifoulier se tourne vers moi. « Un peu de potage, monsieur ?» Même question dans les mêmes termes aux 20 convives qui répondent tous avec la dignité assortie à la circonstance. Très bon dîner, épaule de mouton du premier présalé du monde, de la pointe du rat sans doute, rable de lièvre, perdreau, plat de douceur. Ah, monsieur Batifoulier, vous nous gâtez. Monsieur Batifoulier me sourit du coin des lèvres et m'envoie un tendre regard par l'œil droit. Mais il ne dit mot.